C'était la première heure de gloire de la Révolution. C'était la première heure de gloire de la Révolution. Collectivisé. Révolution. Révolution. Révolution. Révolution. A revolution. Nation, the bomb mix sound in action, a revolution. Énormément de personnes qui sont solidaires à nos côtés. Ça va prendre de l'ampleur, c'est que le début.